Salut à toutes et à tous et bienvenue dans En Piste les artistes, votre émission consacrée au spectacle vivant. Et oui, aujourd'hui nous célébrons la 10e d'En Piste les artistes. Déjà 10 et vous êtes toujours plus nombreux à écouter cette émission, c'est pourquoi je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la compagnie Oxymore qui va nous parler de son spectacle La Leçon, une pièce qui a été écrite par Eugène Ionesco. Bonjour Virginie et Noémie. Alors si je ne me trompe pas Virginie, ça fait la deuxième fois que tu passes dans cette émission. Oui, je t'ai passé la première fois avec Résistante de la compagnie C'était Demain. Et là aujourd'hui, nous allons parler d'une pièce de Ionesco, La Leçon, qui est donc une pièce de la compagnie Oxymore. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette pièce ? Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est une pièce très riche, comme toutes les œuvres de Ionesco. Elle est particulière, celle-là, parce que, en fait, ça a été une commande qui a été faite à Ionesco. On lui a dit, voilà, j'ai envie d'une pièce pas compliquée, avec très peu de personnages, très peu de décors, pas grand-chose. Et à l'époque, ils avaient effectivement rien du tout, pas d'argent, deux chaises et une table. Et du coup, Ionesco a écrit La Leçon. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup... À la Ionesco, c'est très riche verbalement, c'est très jouissif à jouer en tant qu'acteur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire qui est très basique et qui se passe en temps réel. Comme je disais, il y a une certaine sobriété dans la pièce. Donc tout se passe en temps réel, il n'y a pas de changement de temps ni de décor, tout se passe dans un seul endroit et entre deux personnages, un élève et son professeur. Le récit est dans le titre, c'est l'histoire d'une leçon. Mais une leçon un peu particulière et qui commence tranquillement dans un petit monde un peu petit bourgeois, voilà, avec une jeune fille très motivée qui a envie de beaucoup apprendre car elle a l'ambition de passer le doctorat total. Et le professeur va l'y aider, mais après on va se rendre compte au fur et à mesure de la pièce que cette leçon va un peu déraper et que finalement ça se passe pas comme c'était prévu à la base. Bon, je raconte pas la fin, mais c'est une farce qui finit en tragédie et on a voulu respecter ça en le montant comme ça. Voilà, et c'est une très très très belle pièce de Ionesco, c'est une pièce très populaire de cet auteur. Et d'ailleurs, on est en 2017 et on fête les 60 ans de représentation ininterrompue de La Leçon de Ionesco à la Huchette à Paris, au théâtre de la Huchette. Alors Noémie, qu'est-ce que tu joues dans cette pièce ? Alors moi je joue l'élève. Parle-nous un petit peu de ce rôle de cet élève dans cette pièce un petit peu particulière de Ionesco. Justement, comme l'a dit Virginie, c'est une élève très motivée, très ambitieuse, très dynamique et très très enthousiaste, qui a envie de beaucoup apprendre, qui essaye de toujours donner les bonnes réponses, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Une élève qui est, on peut dire comme les autres, on va dire comme tous les élèves au début de la pièce, qui respecte les règles, qui est très propre sur elle, très... droite, carrée, on va dire. Et finalement, à la fin, je ne vais pas raconter la fin de l'histoire, mais on se rend compte que petit à petit, elle va un petit peu se peut-être rebeller un petit peu ou se désinhiber, on va dire. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec l'élève, c'est qu'elle a une façon de penser qui est très particulière à elle et qui en fait un peu un monstre. Comme tu disais, elle a l'air très propre sur elle, etc. Et en fait, on se rend compte qu'elle a une mémoire extraordinaire, qu'elle a une pensée analogique et qui est complètement différente de la plupart des gens. Ce qui fait qu'effectivement, elle répond à côté. Mais pour elle, elle a l'impression de répondre juste. Du coup, voilà, elle a sa logique à elle. Donc, c'est un personnage vraiment drôle et un peu insolent et qui révèle beaucoup de surprises, quoi. Et bon, avec forcément comment elle devient à la fin, quoi. Alors en lisant le dossier, il y a une première chose que j'ai remarquée et qui m'a interpellée. On voit La Leçon, une antipièce d'Eugène Ionesco. Pourquoi ce terme d'antipièce ? Parce que Ionesco est un virtuose du mot et qu'il utilise toujours les contre-pieds pour créer de nouvelles réalités, en fait, poétiques et aussi politiques, parce qu'il faut savoir que Ionesco n'aimait pas du tout le théâtre. C'est pour ça qu'il a fait sa première pièce, La Cantatrice Chauve, qui avait pour but de faire une critique du théâtre en mettant des personnages en scène qui disaient des choses complètement absurdes, entre guillemets, des choses du quotidien. Alors, à savoir qu'on a tendance à ranger Ionesco dans le théâtre de l'absurde, mais Ionesco n'était pas très fan de ce terme. Il préférait le mot « insolite ». parce que dans l'absurdité, c'est l'incompréhension, quelque chose que, voilà, on est face à ça, comme devant un mur, on comprend pas, on fait pas partie de la chose. Alors que lui, il préférait insolite, parce qu'insolite, ça parle plutôt d'un émerveillement et d'un effroi face à l'étrangeté du monde. Et au final, cette sensation qu'on a face au monde qui est tellement étrange, on l'a tous. Donc c'est pas absurde du tout, quoi. Et donc, du coup, les personnages de Ionesco sont à la fois des archétypes, hein, parce qu'ils sont très clownesques, mais voilà, ils sont un peu décalés de la réalité. Et c'est vrai que quand on regarde ce qu'il dit ou quand on les écoute, à première vue, on ne comprend pas. Mais c'est ça qui est aussi passionnant avec Ionesco, c'est que c'est un mélange de, un peu, je dirais, de Beckett et de Desproges, quoi. C'est drôle, c'est cinglant, c'est français et acerbe, et en même temps, il laisse énormément d'espace aux comédiens pour, en fait, il disait que les comédiens devaient faire dire aux mots ce que eux voulaient dire, quoi. Donc voilà, donc c'est une pièce qui peut être interprétée de plein de façons différentes et on peut y trouver plein de choses. Et d'ailleurs, moi, plus je la travaille et plus j'en parle et je parle aux gens de cette pièce, plus je me rends compte à quel point elle est riche, à quel point elle parle de choses différentes et en plus très actuelles. Et par rapport à ce que tu disais, il y a une citation dans le dossier. Ça n'est pas parce qu'une chose est incompréhensible qu'elle est absurde. C'est une phrase de Ionesco ? Tout à fait. Et il dit aussi, Ionesco, sur un texte burlesque, il faut un jeu dramatique, et sur un texte dramatique, il faut un jeu burlesque. Ce qui, quand même, je trouve, raconte bien un peu sa façon de penser. Et il a construit la leçon de Ionesco comme une pièce à tiroir, en fait. Donc, avec chaque mot, chaque scène qui se passe, il y a un non-sens, mais qui révèle, en fait, plutôt une sorte de domination et d'un abus de pouvoir qui existe entre les deux personnages. En fait, on essaye de se comprendre, mais à la base, on ne se comprend pas. On est sur des premiers non-sens absolus, et on essaye de connaître la personne et après de comprendre ou pas. Mais tout est étrange pour nous, même les gens. Alors, je vais repasser le micro à Noémie. Je vais te demander de nous présenter un petit peu l'équipe qu'il y a autour de ce spectacle, aussi bien à la mise en scène que sur le plateau. Alors sur le plateau, on est deux, donc Virginie et moi, donc Virginie, le professeur et moi, donc l'élève. À la régie, on a Clément Demoin qui est aussi à la mise en scène, et donc Clément qui est aussi un ancien élève du Théâtre du Jour. Et encore un, et qui joue aussi la bonne, parce qu'il y a un troisième personnage dans la pièce de Ionesco, donc qui est la bonne et qui fait des petites apparitions au début, un peu au milieu et à la fin, mais qu'on a monté un peu de manière différente, mais je spoil pas, je laisserai voir comment on a fait ça. Je crois qu'on peut dire, ça c'est important, c'est que moi, quand j'ai lu la pièce la première fois, je me suis dit, la position de Ionesco qui était déjà sobre au départ, il faut qu'on la radicalise, quoi. Donc, on a enlevé la table, on a enlevé un personnage, mais le personnage, on ne l'a pas totalement éclipsé, c'est-à-dire qu'il est là, mais la bonne apparaît au téléphone, en fait. Donc, c'est comme une voix qui est toujours là. Donc, le téléphone sonne pendant la pièce et tout le public entend la voix qui est au téléphone et c'est la voix de la bonne. Qui est drôle parce qu'on a décidé aussi d'inverser, c'est-à-dire que Clément, qui est un garçon, joue la bonne, et moi qui suis une jeune femme, je joue la personne âgée, le vieux professeur, quoi. Donc je pense que ça aussi, c'est un petit contre-pied, on voulait tenter un petit peu le truc, et du coup on s'est permis, voilà, je pense qu'avec les pièces de Ionesco, il faut tout se permettre, quoi. Mais pour revenir à ce que disait Noémie, ces trois personnages, donc qu'on a radicalisé en deux, ça devient un ring, en fait. C'est plus intéressant parce que, du coup, c'est vraiment l'élève contre le professeur, la femme contre l'homme, le vieux contre la jeune, l'apprenant contre son enseignant. Il y a tout un monde, en fait. Et du coup, ça devient à la fois un ring, ça devient un jeu télévisé, ça devient une compétition. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect aussi de jeu télévisé, dans lequel, du coup, la voix du téléphone donne un côté un petit peu « vous avez gagné, vous avez perdu », avec des jingles, des reconnaissances, elle a des cadeaux quand elle réussit, etc. Et le public est là, et donc il est à la fois spectateur et témoin de la scène, et du coup il l'encourage dans le jeu télévisé, mais jusqu'où, quoi. Et justement, qu'est-ce que ça fait pour une jeune femme de jouer le rôle d'un vieil homme ? C'est assez excitant. Non, après je pense que c'est assez personnel, c'est-à-dire que moi, en tant que comédienne, j'aime beaucoup les choses qui sont loin de moi. Je me projette dans quelque chose de différent, et ça me permet de mieux me retrouver d'ailleurs, mais les rôles qui sont plus proches de moi, qui seraient un peu jeune fille dynamique, préfèrent aller vers la difficulté. Et du coup là, ce vieux-là, je voulais pas que les gens disent « Ah, c'est une femme qui joue le vieil homme », quoi. J'ai vraiment essayé de maquiller, de faire en sorte qu'il y ait un doute, que les gens sachent pas, et je joue pas sur cet aspect-là, quoi. Mais du coup, c'est très jouissif à jouer, parce que ça permet de vraiment, quand t'es sur scène, d'oublier que t'es toi, quoi. Ça aide encore plus puisque tu joues quelque chose de complètement différent. Un peu, je pense, la sensation que peuvent avoir les gens quand ils jouent des rôles un peu irréalistes ou fantastiques. Il y a une grosse porte qui s'ouvre à la création totale et là, t'es obligé vraiment d'aller chercher dans des endroits, en fait, où t'as jamais été cherché parce que, évidemment, je suis pas vieux, je suis pas un homme. Donc voilà, il y a une part d'imagination qu'il faut soutenir tout le long et surtout à l'intérieur de soi, il faut vraiment, vraiment y croire, quoi, tenir la conviction jusqu'au bout et réagir. C'est pas tout le temps simple, hein, parce que Noémie, bon, en même temps, c'est une très belle jeune fille, donc c'est facile de se prendre pour un petit vieux qui la trouve très jolie, mais voilà, non, c'est très intéressant à faire. Alors, question pour Noémie maintenant. C'est une création qui avait déjà été faite auparavant. Et toi, tu as repris ce rôle en cours de route. Est-ce que ce n'est pas un petit peu déstabilisant, justement, de reprendre un rôle sur une création qui existe déjà et de devoir un petit peu s'adapter à ce qui est déjà créé? Alors oui, les reprises de rôle, c'est toujours un petit peu compliqué parce que du coup, dans le personnage, il y a un petit peu l'empreinte de l'actrice qui était là auparavant, donc Maud, que j'ai remplacée. Et finalement... c'est quand même agréable parce qu'on n'est pas resté dans le personnage qui avait été créé par Maud. J'ai fait moi aussi mon propre clown, donc j'ai créé moi ma propre élève en fait, qui me ressemble et en même temps qui est ce qu'elle est, parce que moi je suis différente de Maud et donc c'est normal qu'on prenne des chemins différents, même s'il y a quand même des similitudes, parce que la pièce est créée à la base, donc je voulais pas... Voilà, mon intention, c'était pas de changer le parcours qu'ils avaient créé. C'est déstabilisant sans l'être, dans le sens où je me suis quand même beaucoup amusée à créer mon personnage et à jouer avec Virginie, avec Clément, dans ce qu'ils avaient déjà instauré. Des personnages différents. Vous avez créé des personnages. Ouais, on a créé des. Voilà, on a le même rôle, mais on a créé deux personnages différents, deux clowns différents qui sont propres à nous et propres aux actrices qu'on est. Alors comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu nous as parlé d'une pièce qui est un petit peu entre de la tragédie et du burlesque. Donc finalement, si on devait résumer, quel est le style théâtral qui domine dans cette pièce ? Il n'y en a pas, c'est pour ça qu'on peut l'appeler une anti-pièce. Le style qui domine, c'est celui que nous, on y a mis en fait. C'est-à-dire que l'ambiance dans laquelle le public se trouve... L'ambiance un petit peu participative, parce qu'ils sont quand même installés en bifrontal autour de nous. Non, on ne l'a pas dit, mais ils sont tout autour de nous. Du coup, c'est intéressant parce qu'ils sont très proches de nous aussi quand on joue. Et ils se voient, le public se voit en miroir, donc ils voient leur propre réaction. Ce qui leur laisse la possibilité de participer. Ils sont inclus presque physiquement dans le spectacle, mais ils peuvent quand même regarder et ne rien faire. Donc, ce n'est pas du théâtre participatif, ce n'est pas non plus du théâtre... totalement traditionnel, c'est pas non plus une farce et c'est pas non plus une tragédie parce que ça vogue entre ces genres. Mais je pense que c'est justement ça, déjà, la richesse de Ionesco, c'est cette mixité des genres. Et après, je pense que lui, il a laissé aussi, ça dépend comment on l'interprète, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on interprète d'une façon très burlesque, mais en fait, des fois, il y a des choses qui font rire et en fait, au final, quand il réfléchit, c'est vraiment très tragique, quoi. Et même la fin de la pièce, qui est quand même le paroxysme de cette leçon, peut être interprétée de façon différente par le public. Comme tu nous l'as dit, c'est une pièce qui est jouée en bifrontal, qui est quand même une disposition un petit peu particulière. Et alors, comment c'est vécu pour un acteur sur un plateau de se dire qu'il y a des spectateurs un petit peu tout autour ? Alors, pour avoir déjà joué une pièce en trifrontal, donc avec Robert Angebaud, c'est... assez déstabilisant au début parce qu'on doit être partout à la fois, on doit jouer pour tous les côtés du public, enfin pour tout le public, mais c'est assez agréable parce que du coup c'est pas comme au théâtre traditionnel où on est face à un public qui est vraiment face à nous, mais effectivement c'est un peu ce côté plus intime, plus convivial où le public est pas participatif mais comme disait Virginie, inclus un petit peu dans la pièce, donc c'est comme un partenaire de jeu en fait, et c'est plutôt agréable parce qu'il est vraiment avec nous. Et pour ça, je trouve que c'est une bonne façon de mettre en scène une pièce, quelle qu'elle soit. Après, la leçon d'Ionesco s'y prête, la mise en scène qu'on a fait s'y prête vraiment bien, mais je trouve que c'est une façon beaucoup plus intime et beaucoup plus vraie de mettre en scène une pièce pour vraiment être avec le public et vraiment lui parler et être. Avec lui comme un partenaire de jeu, en fait. Ionesco, en plus, c'est un texte qui est quand même assez dense. Donc les gens peuvent rapidement regarder ça. Comme on regarde ça dans un téléviseur, des fois j'ai l'impression que le théâtre, c'est un peu, on est assis tranquillement dans son siège à regarder la petite lucarne. Alors que là, du coup, ils sont beaucoup plus impliqués du fait qu'eux-mêmes, ils se voient. Et je trouve que, enfin, en l'ayant monté, je me suis dit après, ça aurait pas pu être autrement, ça aurait complètement changé notre style de jeu parce que le fait qu'ils soient très proches de nous, ça nous permet aussi de faire des choses plus subtiles. Le fait d'être vu de tous les côtés, ça nous permet d'avoir conscience qu'il faut que tout joue et partout. Et en plus, dans ce spectacle-là, il n'y a pas d'entrée et de sortie régulière où il y a des personnages qui disparaissent, etc. Donc on est tout le temps là, de A à Z, du début à la fin, et le public, du coup, est avec nous, il ne peut pas vraiment s'échapper. Et du coup, comme le public fait aussi partie du spectacle, la moindre chose qu'eux, ils font, ça s'entend, ça se voit. Nous, voilà, on en a conscience. Si nous, on commence à servir le thé sur la scène, ils vont le sentir. Et donc, du coup, voilà, ça fait vraiment un moment ensemble qu'on partage et non pas juste une expérience culturelle vue de loin, quoi. Pourquoi finalement jouer cette pièce-là et jouer une pièce de UNESCO aujourd'hui ? Alors, dans le choix de cette pièce, il y a forcément du personnel. Moi, j'ai vu la pièce, là, comme je disais, qui a beaucoup joué à Paris. Je l'ai vue quand j'étais toute petite et elle m'a beaucoup marquée. Et je pense qu'elle m'a marquée aussi parce que c'était l'histoire d'une leçon. Donc, on se reconnaît un peu tous dans cette situation parce que chacun de nous a été à un moment confronté à cette situation-là. On a tous été plus ou moins à l'école où à un moment on est resté là à écouter quelqu'un qui avait le pouvoir entre guillemets du savoir et du coup on est un peu soumis à ça et voilà. Et donc du coup tout le monde n'a pas la même réaction face à un cours et ça marque toujours les esprits. Et donc du coup je trouvais que cette pièce était intéressante parce que le sujet paraît banal, c'est une leçon et d'ailleurs ça devient presque un fait divers mais ça prend une proportion. C'est hyper acerbe comment c'est écrit parce que le professeur est tellement professeur qu'il en vient à faire des logorées qui durent, il parle et la pauvre élève est complètement soumise à ce pouvoir du savoir et elle peut pas répondre à ça quoi. Donc en fait ça parle de rapports de domination qui sont encore très fréquents et puis quand ils discutent entre eux de ce qui est juste, ce qui est pas juste, ça parle, c'est presque politique en fait. Celui qui parle c'est celui qui a le pouvoir et c'est celui qui a le savoir et surtout la vérité. C'est-à-dire que quand l'élève dit c'est faux, lui dit c'est vrai, et quand lui dit c'est vrai, elle dit c'est faux. Et du coup, en fait, comme dit UNESCO, la vérité est entre les deux. Qu'est-ce que l'une des deux peut nous rappeler les dates ? Alors, à Toulouse, au Théâtre du Fil à Plomb, du 28 mars au 1er avril, avec une supplémentaire le 31 pour une classe de lycée. Tous les soirs à 21h. Je vais vous demander de choisir une chanson, celle que vous voulez, pour clôturer l'émission. Edith Piaf. Rien de rien. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez venir voir la pièce La leçon de Jeanne UNESCO au théâtre Le Fil à Plomb du mardi 28 mars au samedi 1er avril à 21h. C'est donc une pièce qui dure 1h30, interprétée par Noémie Alfos, Virginie Dano et Clément Demoin. Une création de la compagnie Oxymore. Mais que va-t-il se passer au théâtre Le Fil à Plomb de Toulouse dans les semaines et les mois qui viennent ? Tous les jours, du 11 avril au 15 avril à 15h30 et du 19 avril au 29 avril, les mercredis et samedis à 15h30, une création de la compagnie Molisetti, écrite et interprétée par Isabelle Molina, un spectacle qui s'appelle Kaléidoscope, qui est un spectacle d'une durée de 50 minutes, qui est un mélange de théâtre et de danse. Du mardi 4 au samedi 8 avril à 21h, une création de la compagnie Anomalique, d'après plusieurs récits de Howard Philip Lovecraft, interprétés par Lisa Boudet-Valette et Simon Castelnic, mis en scène par Yvon Hérisson. Il s'agit de récits macabres et fantastiques pour une durée de 55 minutes. Du mardi 4 avril au samedi 8 avril à 15h30, la compagnie Krila nous propose une pièce jeune public, Le Président des Enfants, écrite et interprétée par Christian Bouchery, mis en scène par Valérie Véril et Hélène Sarrazin. Du mardi 18 au samedi 22 avril à 21h, le spectacle Après moi, Le Déluge, un seul en scène, écrit, interprété et mis en scène par Alec Somoza, avec pour regard extérieur Franck Lepage, Michael Egar et Valérie Véril, une création de la compagnie avec des géraniums. Du mardi 11 avril au samedi 15 avril à 21h, la pièce Le Gardien d'Harold Pinter, une très très belle pièce de Pinter, interprétée par Juan Alvarez, Bruno Belon et Sylvain Beaurens, mis en scène par Francis Azéma, que nous avions reçu dans la 4e d'Empiste les artistes, une création signée La Compagnie du Vent et rien d'autre. Du mardi 25 au samedi 29 avril à 21h, la pièce 9 mois plus tôt, qui est à un seul en scène tout public d'1h20, écrit et interprété par Damien Jaya, mis en scène par Fabienne Candela, et c'est une création Yes Common Productions. Pour plus d'informations ou pour connaître le reste de la programmation de la saison, je vous invite à vous rendre sur le site du Théâtre Le Fil à Plomb, www.theatrelefilaplomb.fr. Puisque nous avons parlé de la pièce La Leçon de Ionesco, nous allons également en parler dans la chronique littéraire. Alors comme dans notre interview avec la compagnie Oxymore, on a déjà beaucoup détaillé de quoi parler cette pièce, on va juste lire un petit extrait. Et aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Clément Suparo. Bonjour à tous. Vous savez bien compter. Jusqu'à combien savez-vous compter? Je puis compter à l'infini. Cela n'est pas possible, mademoiselle. Alors mettons jusqu'à 16. Cela suffit. Il faut savoir se limiter. Comptez donc, s'il vous plaît. Je vous en prie. 1. 2. Et puis après 2, il y a 3. 4. Arrêtez-vous, mademoiselle. Quel nombre est le plus grand? 3 ou 4? 3 ou 4? Quel est le plus grand? Le plus grand de 3 ou 4? Dans quel sens le plus grand? Il y a des nombres plus petits et d'autres plus grands. Dans les nombres plus grands, il y a plus d'unités que dans les petits. Que dans les petits nombres? À moins que les petits aient des unités plus petites. Si elles sont toutes petites, il se peut qu'il y ait plus d'unités dans les petits nombres que dans les grands, s'il s'agit d'autres unités. Dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres? Laissons cela. Cela nous mènerait beaucoup trop loin. Sachez seulement qu'il n'y a pas que des nombres, il y a aussi des grandeurs, des sommes, il y a des groupes, il y a des tas de choses, telles que les prunes, les wagons, les oies, les pépins, etc. Supposons simplement, pour faciliter notre travail, que nous n'avons que des nombres égaux. Les plus grands seront ceux qui auront le plus d'unités égales. Celui qui en aura le plus sera le plus grand. Ah, je comprends, monsieur. Vous identifiez la qualité à la quantité. Cela est trop théorique, mademoiselle, trop théorique. Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Prenons notre exemple et raisonnons sur ce cas précis. Laissons pour plus tard les conclusions générales. Nous avons le nombre 4 et le nombre 3, avec chacun un nombre toujours égal d'unités. Quel nombre sera le plus grand? Le nombre plus petit ou le nombre plus grand? Excusez-moi, monsieur. Qu'entendez-vous par le nombre le plus grand? Est-ce celui qui est moins petit que l'autre? C'est ça, mademoiselle. Parfait. Vous m'avez très bien compris. Alors, c'est 4. Qu'est-ce qu'il est, le 4? Plus grand ou plus petit que 3? Plus petit. Non, plus grand. Excellente réponse. Combien d'unités avez-vous de 3 à 4? Ou de 4 à 3, si vous préférez? Il n'y a pas d'unité, monsieur, entre 3 et 4. 4 vient tout de suite après 3. Il n'y a rien du tout entre 3 et 4. Je me suis mal fait comprendre. C'est sans doute de ma faute, je n'ai pas été assez clair. Non, monsieur, la faute est mienne. Tenez, voici 3 allumettes. En voici encore une. Ça fait 4. Regardez bien, vous en avez 4. J'en retire une. Combien vous en reste-t-il? On ne voit pas les allumettes, ni aucun objet d'ailleurs, dont il est question. Le professeur se lèvera de la table, écrira sur un tableau inexistant, avec une craie inexistante, etc. 5. Si 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 5. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Vous avez toujours tendance à additionner, mais il faut aussi soustraire. Il ne faut pas uniquement intégrer, il faut aussi désintégrer. C'est ça la vie, c'est ça la philosophie, c'est ça la science, c'est ça le progrès, la civilisation. Oui, monsieur. Eh oui, en piste les artistes, c'est déjà fini pour cette semaine, mais nous nous retrouvons dès vendredi prochain, où j'irai à la rencontre de Jean Bellorini au Théâtre National de Toulouse, juste avant la première représentation de Karamazov dans ce magnifique théâtre toulousain. Je souhaite donc remercier la compagnie Oxymore pour cette émission, Clément Suparo qui m'a exceptionnellement aidé pour la chronique littéraire, et bien entendu l'équipe de Radio Montmirail, sans vous oublier vous, chers auditeurs. Sachez qu'à partir de la semaine prochaine, Clément va me rejoindre définitivement dans cette émission, c'est pourquoi nous serons désormais deux pour l'émission En piste les artistes. Comme toujours, si vous avez des retours à nous faire sur l'émission ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à me contacter par email à l'adresse emmanuel.fitou@gmail.com. Ça sera avec grand plaisir que je vous lirai. Conformément aux souhaits de la compagnie Oxymore, nous finissons cette émission avec la chanson d'Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.